Yeah. Yes, I. Original qui vient poser pour le développement Unity Crew. Dealer. Big up. Hey man, tu sais pourquoi on chante? On chante. Pour vous enseigner un savoir. Chante. Pour vous délivrer le cœur. Chante. Pour un monde meilleur. Chante. Pour la fraternité des peuples. On chante. Pour la vérité. Chante. Pour la paix. Chante. Pour l'amour et la foi. Chante. Pour la délivrance. C'est là que chante. Pour plus d'unité. Yeah. Pour l'amour dans tous les quartiers. Fédéral chante. Pour les jeunes qu'on met de côté. Valdez chante. Pour les familles que Babylone a séparées. Chante. Pour ceux qui n'ont pas de monnaie. Chante. Pour tous ceux qui n'ont pas à manger. Mora chante. Pour réunir les communautés. Stéphane chante. Mais on ne va pas s'arrêter. Non. Chante. Pour vous enseigner un savoir. Chante. Pour vous délivrer le cœur. Chante. Pour un monde meilleur. Chante. Pour la fraternité des peuples. On chante. Pour la vérité. Chante. Pour la paix. Chante. Pour l'amour et la foi. Chante. Pour la délivrance. Et vous chante. Ouais, je chanterai coup de coude. Glace et chante. Pour éduquer les ghettos youth. Fiduman chante. Pour qu'il n'y ait plus aucun Jerez doute. Jerezan chante. Pour ne pas dévier de ma Mister route. Mister Pan chante. Pour ne pas rester dans la Don soupe. Don Valdez chante. Parce que le système me dégoûte. Sir, il chante. Parce que policeman on shoot. Tout le monde chante. Parce que ta vision est la floute. On chante. Pour vous enseigner un savoir. Chante. Pour vous délivrer le cœur. Chante. Pour un monde meilleur. Chante. Pour la fraternité des peuples. On chante. Pour la vérité. Chante. Pour la paix. Chante. Pour l'amour et la foi. Chante. Pour la délivrance. Duncan chante. Pour l'alternative égalité. Cyrus chante. Car y'en a vraiment assez. Alaska chante. Pour remonter notre morale. Duncan chante. C'est ce qu'on a au plus profond de nous. Mélaké on chante. Quoi qu'il se passe jusqu'à la mort. Mora on chante. Contre cette putain de politique. Mister Fan chante. Pour tous les frères massacrés. On chante. Pour ne pas oublier. Pour ceux qui sont pauvres et dépourvus. Chante. Pour ceux qui dorment dans le foie la nuit. Chante. Pour tous ces peuples qui n'ont rien, mine de rien. Chante. Babylone festive, on manque de rien. Chante. Pour dire non à la guerre au Darfour. Chante. Pour l'âme de ceux qui sont morts dans les fous. Chante. Pour la liberté de l'Afrique. Chante. Chante. Pour vous enseigner un savoir. Chante. Pour vous délivrer le cœur. Chante. Pour un monde meilleur. Chante. La fraternité des peuples. On chante. Pour la vérité. Chante. Pour la paix. Chante. Pour l'amour et la foi. Chante. Pour la délivrance. Chante. Pour vous enseigner un savoir. Chante. Pour vous délivrer le cœur. Chante. Pour un monde meilleur. Chante. Pour la fraternité des peuples. Tout le monde chante. Pour la vérité. Tout le monde chante. Pour la paix. Tout le monde chante. Pour l'amour et la foi. Contre la guerre, tout le monde chante. Contre le racisme, tout le monde chante. Contre le sida, tout le monde chante. Contre l'indifférence, chante. Contre la vengeance, chante. Contre la médisance.